téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Bon samedi, à l'écoute de France Culture, nous retrouvons Vincent Charpentier. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les mammouths sont entrés dans Paris, non par ici les Moulineaux, mais bien par Clichy-la-Garenne. C'est ce que révèle une fouille entreprise juste de l'autre côté du périph, des fortifs. À la croisée de l'archéologie, de la paléontologie et de la géomorphologie, cette fouille n'a pas révélé que les vestiges d'un mastodonte proboscidien, géant des plaines glacées du Pléistocène, mais aussi les traces de l'homme, ou du moins de la main de l'homme, Néandertal. Pour un tel sujet, le magazine d'archéologie de France Culture se devait d'inviter deux chercheurs, une préhistorienne capable d'évoquer Néandertal et un archéozoologue en charge des éléphantidés, Sophie Clément, Grégory Bell. Bonsoir. Bonsoir. Tous deux chercheurs à l'INRAP, Sophie Clément, vous êtes préhistorienne et avez dirigé ce chantier de Clichy. Au passage, je signale que vous avez récemment copublié les plus vieux outils jamais découverts au monde, vieux de 3,3 millions d'années et mis au jour dans l'ouest Turkana, au Kenya. Archéozoologue Grégory Bell, les mammouths, vous les connaissez puisque vous avez découvert le fameux mammouth de Changis-sur-Marne, Helmut le mammouth, nous en reparlerons. Vous êtes tous deux ce soir au téléphone et en direct. Mais tout de suite, un reportage. Voici plus de deux mois, alors que nous pouvions circuler, je me suis rendu à Clichy-la-Garenne, 11 impasses du mur, où derrière des palissades, un énorme chantier de construction était en cours. C'est là que je vous ai retrouvé, Sophie Clément. Clichy-la-Garenne, il n'y a plus de Garenne ? Non, effectivement, il n'y a plus beaucoup de Garenne. Il y a plutôt des immeubles et du bitume aujourd'hui. On est sur la banlieue proche de Paris qui est très, très urbanisée. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour observer soit de la verdure, soit des coupes stratigraphiques. Alors pourquoi êtes-vous là ? On est là pour réaliser, à la demande des services de l'État, une grande tranchée en perpendiculaire du lit de la Seine, pour aider à comprendre l'évolution et la dynamique des formations des terrasses de la Seine et à renseigner les paléo-environnements de la préhistoire. Et c'est là-dedans que vous avez trouvé un mammouth ? Il est où le mammouth ? Il est là-bas, au fond de la tranchée, en bien mauvais état, il faut bien le dire. Alors votre chantier, c'est un peu particulier. On pourrait dire que bien sûr on est entouré d'immeubles, mais on a une sorte de grande saignée qui est extrêmement sableuse, très blanc, jaune au fond, marron au-dessus. Et au milieu, donc, on marche sur le sable. C'est à peu près ça ? C'est ça, c'est Paris-Plage pour de vrai. On est dans les sables de la Seine. Et au-dessus, 4 mètres de remblai ? 4 mètres de remblai contemporain, ouais, avec un peu plein de choses dedans. Et très embêtant pour pouvoir venir observer les niveaux archéologiques qui commencent en dessous. Donc vous avez fait venir des pelles mécaniques, vous avez fait creuser cette tranchée. Votre technique, elle est un peu curieuse. Vous alliez un peu le test, ce que les archéologues appellent le diagnostic, et puis la fouille réelle avec des grandes surfaces décapées. Oui, c'est un peu la particularité de cette opération, c'est qu'il faut faire un grand transect, on appelle ça un transect, hein, une grande tranchée comme ça, qui mobilise des méthodes plutôt appliquées en diagnostic. Et en même temps, on est en fouille, et donc du coup, il faut avoir les plus larges décapages pour pouvoir bien observer les niveaux, et puis bien les renseigner si jamais on trouve quelque chose. Ouais. Alors ces niveaux, on les a juste devant, et on voit des sortes de très jolis litages. C'est blanc, ça devient un peu plus brun, c'est de nouveau blanc, et ainsi de suite. Et visiblement, tout ça, du moins en cet endroit-là, est assez horizontal. Bah oui, c'est le principe de la plaine alluviale et des environnements alluviaux, c'est-à-dire qu'il y a des apports réguliers par l'eau, de limon, argileux, puis de sable, et donc tout ça forme effectivement des litages, c'est comme ça qu'on les appelle, et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça le lit de la Seine. Et donc ça se superpose, et puis ça nous raconte une chronologie et une histoire du fleuve et de ses abords. Alors pourquoi étudier le lit d'un fleuve alors que vous êtes préhistorienne ? Parce que déjà sur les rives d'un cours d'eau, on a souvent des hommes, et qu'en plus ces niveaux qu'on voit là aujourd'hui sont des niveaux qui se sont formés pendant la préhistoire. Et puis aussi les objectifs de cette fouille, c'est de renseigner les paléo-environnements, c'est-à-dire les environnements des hommes préhistoriques. Et donc ça fait aussi partie de mon travail, parce qu'un préhistorien ne peut pas travailler sans une certaine pluridisciplinarité et sans déconnecter ses problématiques à l'environnement direct des hominidés. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on a donc des horizons bien horizontaux, mais que tout ça semble d'un seul coup plonger comme si on avait une sorte de pendage. On a une sorte de pendage, effectivement, qui se dessine au nord de la tranchée et qui nous montre qu'on est certainement dans un bras de la Seine, donc pas dans le lit principal, hein, mais dans un chenal, qui explique aussi pourquoi on a trouvé très peu de vestiges archéologiques dans ce grand transect de 80 mètres. Donc on aurait une sorte de bras un peu annexe de la Seine, bras dans lequel se déposent plutôt des sables et pas des graviers, c'est bien ça, donc pas quelque chose de très actif. Et puis tout ça, petit à petit, on ne sait trop quand, vient se boucher, vient se combler. Exactement, au cours de la préhistoire, de la fin de la préhistoire, ça vient se combler. Il n'y a pas d'événements très violents. Il y en a quelques-uns qui se signent par des gros niveaux de gravier, mais il n'y a pas d'événements très violents sur ce bras-là. Alors ce qui est étonnant, c'est que ces carrières de la Seine, elles ont été extrêmement étudiées au 19e siècle. Et puis de nos jours, absolument totalement abandonné. Alors, pas complètement abandonné, mais effectivement, les carrières de la Seine, qu'on appelle le Clichy-Levallois, dans la boucle, elles ont servi à construire Paris, sous Haussmann, beaucoup, et puis un peu après. Et puis après, ça a été très urbanisé. Et donc du coup, on arrive encore à venir observer des terrasses de la Seine, mais souvent dans des petites fenêtres, dans des petits sondages, parce que les parcelles sont assez restreintes. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de pouvoir ouvrir un transect de 80 mètres de long, c'est une occasion unique d'avoir une fenêtre d'observation très large sur ces niveaux, quoi. Alors c'est là aussi, juste à côté, à Levallois-Perret, qui a été découvert une méthode absolument très connue en archéologie, en préhistoire, que tous les préhistoriens du monde utilisent désormais. Oui, donc ça porte le nom de la ville de Levallois, ça s'appelle la méthode Levallois. Effectivement, c'est un terme qui est international et qu'on prononce Levallois même en anglais ou dans d'autres langues, qui consiste à prédéterminer l'éclat qu'on va sortir, c'est-à-dire à penser son nucléus, la pierre qu'on va utiliser pour tailler ces éclats, la penser en volume pour pouvoir sortir un éclat qui va être standardisé et prédéterminé, pensé en amont. Alors, puisque vous êtes spécialiste de l'industrie lithique, ça apparaît à peu près quand, cette méthode ? Ça, visiblement, ça ne disparaît jamais. Mais on peut dire quoi ? L'homme de Néandertal, un peu avant ? Oui, c'est l'homme de Néandertal. C'est typique des traditions techniques qu'on peut appeler moustériennes, ou en tout cas du paléolithique moyen, oui. Alors, continuons. Là, nous avons donc ce litage, on l'a vu. Au-dessus, on a des sortes de grosses fosses de cailloutis. De quoi s'agit-il ? Alors ce gros caillouti là qui forme des vagues sur le dessus de la stratigraphie, c'est un événement érosif très intense là pour le coup, hein, qui n'est pas du tout dans les mêmes dimensions que les litages très fins qu'on a en dessous. Et les vagues que ça dessine, en fait, ça dessine le sommet d'un sol qu'on appelle le pergélisol, qui est un sol qui se situe en périphérie des calottes glaciaires, donc il y en a encore aujourd'hui, hein, aux abords de la calotte glaciaire, sauf que pendant la période de la préhistoire, il y a eu plusieurs phénomènes de glaciation et la calotte glaciaire descendait très bas en Europe, jusqu'en Belgique à peu près. Du coup, le bassin parisien était une zone de pergélisol. Et ce pergélisol, il est surmonté d'une couche superficielle qui gèle et dégèle suivant les saisons, et qu'on appelle un sol actif ou un molisol. Et donc ça fait les phénomènes de glaciation et de dégel forment des vagues qui sont là très très représentatives de ce phénomène de cryogénisation. On appelle ça la cryogénisation. Alors pourquoi ces zones en cuvette gelées, dégelées vous intéressent-elles ? Bah parce qu'elle recèle beaucoup d'informations. D'abord en soi, c'est très beau, c'est très graphique. Ensuite, ce qui est sympathique à regarder, c'est que, en tout cas très très instructif, c'est que il n'y a pas tout à fait les mêmes phénomènes sur toute la longueur du transect. Et donc ça montre aussi que ce sol actif, il a des variations en soi. Qu'il va falloir analyser. Donc c'est notre géomorphologue qui va analyser ça, parce que là c'est pareil, on travaille en équipe pluridisciplinaire, on est plusieurs spécialistes, et donc là ça va mobiliser aussi ces phénomènes de glaciation, et puis cette stratigraphie mobilise tout un tas de collègues spécialistes de diverses études et diverses problématiques géologiques et géomorphologiques sur ces questions. Alors ça vous intéresse aussi parce que c'est là-dedans, dans ce molissol ou dans ce pergélisol, que vous avez trouvé un bout de mammouth. Oui, alors c'est dans ce molissol, donc dans ce sol qui gèle et dégèle, qu'on a trouvé un morceau de défense qui a été très affecté par ces phénomènes et qui donc est très fragmenté, mais qui atteste quand même de la présence de ce type de mastodonte sur les rives de la Seine à une période de la préhistoire. Elle est où la défense ? Elle est un peu plus loin ? Elle est en bout de tranchée, donc bien sûr elle a été trouvée plus ou moins dans la coupe. C'est un peu plus l'aventure quand c'est dans la coupe. Et donc voilà, pour l'instant on a dégagé donc les morceaux qu'on a trouvés sous le godet de la pelle mécanique qu'on utilise pour faire ce transect. Mais il en reste encore un morceau dans la coupe, et donc on va faire revenir des engins pour essayer de mieux comprendre comment elle s'est retrouvée là, si elle a été ramenée par des colluvions ou si elle a été débosée intentionnellement. Parce que pour l'instant, on n'a trouvé aucun vestige anthropique, c'est-à-dire transformé par la main de l'homme avec. Mais c'est pas improbable, et donc du coup, on n'a pas fini encore d'écarter toutes les hypothèses sur cette défense de mammouth. Alors moi, je connais un site un peu plus ancien que le vôtre, Tourville-la-Rivière, un site absolument fantastique, où l'on a des carcasses d'animaux. On n'avait pas du mammouth parce que c'était durant une période chaude, mais où des carcasses de mammouth, comme ça, avaient été charriées par la Seine et s'étaient déposées, et parmi eux, un bras de hanté néandertalien. Donc, on pourrait être sur un phénomène un peu de la sorte. Oui, on peut être sur un phénomène d'apport naturel, d'une défense soit arrachée à une carcasse, soit, mettons, peut-être utilisée et puis abandonnée. Mais en tout cas, on peut être sur un phénomène où il n'y a qu'une seule défense qui aurait été amenée naturellement par des colluvions. Ouais. On peut rêver que le mammouth est derrière la coupe. On peut toujours rêver. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez reculer la coupe ? Vous allez... Ouais. Continuer à mettre des petites épingles un peu partout, là où on a de la défense de mammouth. Tout étant en défense, il n'y a absolument pas d'os ? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'os, en tout cas pas identifié. Après, les petites épingles, elles nous servent surtout pour mémoire à reconnaître le niveau d'apparition, parce que comme les miettes de défense suivent les déformations des différents lits dans ce molissol, on n'est pas sur une 3D linéaire, on va dire. Donc on n'est pas sur un niveau plan, on est sur des niveaux très courbes, et donc pour pouvoir redécaper correctement, on s'est mis des petits repères de couleur. Et vous avez une idée de l'époque ? Alors, très probablement en période froide, vu qu'on est sur ce fameux pergélisol. Oui, alors le plus probable, ce serait le dernier maximum glaciaire à la fin de la préhistoire. Après, pour l'instant, on n'a pas plus d'hypothèses que ça, parce qu'on est encore dans la phase de terrain. Mais on a mis un échantillon en datation qui va nous permettre... et de mieux connaître ce mammouth, mais aussi de dater le niveau dans lequel il apparaît, et donc de combiner en fait la découverte archéologique avec les analyses sur le paléo-environnement. On pourrait dire quoi ? 30 000 ans ? 28 000 ans ? Oui, on peut toujours dire ça. C'est compliqué pour moi là de donner une date à ce niveau des investigations, mais dès que j'en saurai plus, je vous promets, je vous dirai. En tout cas, on connaissait Lucie, on connaissait Toumaï, on connaissait Helmut, bien sûr, le fameux mammouth. Comme à l'accoutumée, vous lui avez trouvé un prénom ? Ouais, on aime bien trouver des prénoms à nos découvertes. Et comme on l'a trouvé le jour de la Saint-Gilles, entre nous, on l'appelle Gilou, parce que comme pendant longtemps, on avait du mal à dire si c'était un mammouth ou un éléphant, pour pas choisir, on l'a appelé Gilou. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Retour en studio et en direct. Votre chantier s'est terminé le 1er octobre et bien entendu, beaucoup de choses ont changé. Ce que vous avez désormais, c'est trois horizons archéologiques, Sophie Clément. Oui, alors il y a plein de choses qui ont changé depuis votre venue sur le terrain. On a trouvé effectivement, en plus de ce fragment d'éléphantidée, enfin de défense d'éléphantidée, on a trouvé un deuxième niveau de faune, un peu plus ancien, qui est composé essentiellement de bisons, et puis un autre niveau encore plus ancien que ces deux premiers niveaux. Et cette fois, on a de la faune qu'on n'a pas encore réussi à identifier, associée à des outils en silex taillés. Alors ça, c'est formidable. C'est la grande découverte. C'est que vous avez donc la preuve de la main de l'homme sur ce chantier. Oui, on a la preuve qu'il est venu produire des outils à cet endroit-là, oui, effectivement, et des beaux outils très bien conservés. Alors ces silex, ils sont comment ? C'est un beau silex noir, et visiblement ce qui est très très intéressant, c'est qu'ils appartiennent à un même bloc, ce que vous appelez un nucléus, un noyau, ce qui montre qu'ils n'auraient pas été charriés par le fleuve. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Alors déjà, on a 21 pièces, hein, ce qui fait pas beaucoup comme ça quand on y pense. Mais alors elles sont effectivement donc de très bonne qualité, c'est-à-dire elles sont très bien conservées, elles n'ont pas bougé dans le temps. On a un bloc, donc un nucléus, sur lequel on arrive à recoller plusieurs éclats, donc qui nous montrent que ce bloc, il a été taillé sur place et qu'il n'y a rien qui a bougé depuis. On a tout un tas de petits éclats qu'on appelle des esquilles, qui sont les petites miettes, hein, qui éclatent quand on taille, qui sont présentes aussi. Donc tout ça, ça nous conforte dans cette idée que rien n'a bougé. Mais on a également un éclat d'un silex qui n'est pas du tout pareil que les autres pièces. Et qui lui aussi a été retouché, hein, sur lequel on a enlevé des petits éclats pour raviver le tranchant. Et donc ces petits éclats remontent sur ce grand éclat de silex, ce grand outil. Et ça nous montre aussi que très certainement, ils ont plusieurs sources d'approvisionnement. Donc avec 21 petites pièces, on arrive à déjà, alors qu'on n'a pas encore entamé l'étude, mais on arrive déjà à voir un petit peu leur quotidien et leur façon de trouver la matière première dont ils ont besoin et de tailler leurs outils. Dans cette enquête, vous allez regarder les traces laissées sur les outils, ce que l'on appelle la tracéologie, pour déterminer éventuellement leur fonction exacte. Oui, c'est justement là, c'est l'étude qui est en cours, hein, qui va être menée par ma collègue Émilie Clos de l'INRAP. Et effectivement, oui, on va regarder les tranchants au microscope pour essayer de voir les micro-usures qu'il peut y avoir sur ces tranchants et les comparer avec des collections expérimentales. Et tout ça, ça va nous indiquer quelles sortes de matières ont été travaillées, et donc on va pouvoir travailler sur différentes hypothèses. A-t-on une idée déjà de la datation ? C'est ancien, mais bon. Non, toujours pas. ça va être le plus long, parce que c'est vrai que c'est des études en laboratoire qui demandent du temps de préparation des échantillons, du temps d'analyse, et qui sont assez indépendantes de notre volonté, et puis qui répondent à des agendas qui ne sont pas de nos faits. Donc on n'a pas encore de datation ou d'idées sur, sur les dates de ces trois ensembles archéologiques. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que vous avez aussi de la faune dans ces horizons anciens. Peut-on faire un lien entre silex et animaux ? Alors, oui, on peut faire des liens, bien sûr. Après, il va falloir qu'on ait des liens tangibles pour pouvoir affirmer ou en tout cas raconter l'histoire de ces sites. Donc, le jeu, ça va être aussi de regarder donc sur les restes de faune, si on a des traces de découpe, par exemple, parce que quand on enlève la peau ou le muscle d'un os, à l'aide d'un outil, quel que soit l'outil, on va laisser des traces sur l'os et donc là on va pouvoir regarder pareil au microscope ou en lumière rasante les restes pour pouvoir voir s'il y a eu des interactions homme-outil. Grégory Bell, je reviens sur Tourville-la-Rivière. Les archéologues ont montré que Néandertal était venu collecter des carcasses échouées sur les berges de la Seine. Objectif peut-être la viande, mais aussi probablement les tendons, un matériau que l'on sous-estime souvent. Pourrait-on être à peu près sur la même chose à Clichy ? Oui, éventuellement. Il faudrait avoir... il faudra après une étude un peu plus détaillée des surfaces, des ossements, etc., de voir si on retrouve des traces, parce que c'était ça. On sait que ces traces de prélèvement de tendons sont caractéristiques, hein, et ils offrent des stries au niveau des extrémités des membres. Donc si on retrouve ce genre de traces, on pourra certainement évoquer cette idée-là. Pour l'instant, on est encore... à une étape de traitement, donc de lavage, de traitement des ossements. Donc pour l'instant, on n'a pas encore ces informations, mais éventuellement, oui, bien sûr, Néandertal était capable, bien sûr, d'avoir, de pouvoir chasser, de pouvoir collecter, de s'adapter à différents cas de figure. Et c'est quand même... Néandertal a réussi à vivre pendant plus de 300 000 ans en s'adaptant à différents climats, différents environnements, différents cas de figure. Donc oui, pourquoi pas. Sophie Clément, qu'en pensez-vous ? écoutez, pour l'instant, je rejoins Grégory. C'est vrai c'est un petit peu difficile parce que on en est qu'au début, donc on voit des choses, on peut pas s'empêcher d'émettre des hypothèses, bien sûr. Et puis c'est vrai que Néandertal a une capacité d'adaptation à son milieu qui est assez formidable, comme souvent les hominidés en général. Après, il faudra voir dans le détail jusqu'à quel degré de finesse on pourra raconter les histoires qui se sont passées sur ces berges de Seine. Grégory Bell, des mammouths sont entrés dans Paris, mais est-ce qu'on les a retrouvés ? Alors Paris et puis sa périphérie a livré énormément de vestiges d'éléphantidés. Il n'y a pas que le mammouth, bien sûr, il y a aussi les éléphants antiques. Et à Paris, on a retrouvé depuis plus de 150 ans, hein, depuis, comme disait Sophie dans le reportage, depuis l'ouverture de carrières au moment des grands travaux de la région parisienne, sous Haussmann, Napoléon III, de grandes quantités d'ossements. Parce qu'on est justement dans plusieurs confluences avec la Seine, la Marne, l'Oise, qui livre des matériaux sédiments de sableux qui ont permis à la construction de ces aménagements. Et donc dans ces alluvions, hein, de ces cours d'eau, on a retrouvé énormément d'os de mammouth et d'éléphants et d'autres animaux, bien sûr. Oui. Donc à Paris, notamment à Paris, on a des mentions de découvertes de mammouths, que ça soit par exemple à Opéra, rue Le Courbe, boulevard Sébastopol, rue de Rennes, au niveau de Montmartre même. Et rue de Rennes, j'ai lu ça aussi. Et rue de Rennes, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est très nombreux. Oui, on sous-estime en fait, maintenant qu'il y a tous ces aménagements, tout ce Paris qui est installé depuis Haussmann, toute cette richesse du sous-sol. Voilà. Alors le plus exceptionnel, c'est bien entendu Helmut le mammouth, découvert en novembre 2012 à Changis-sur-Marne. J'ai souvenir d'y avoir même fait un reportage. Mais ce qui était le plus étonnant, c'est qu'ils n'étaient pas un, ils étaient deux mammouths. Oui, tout à fait, deux mammouths. Ça, on l'avait repéré déjà sur le terrain avec des éléments de différents individus. Et voilà, ça s'est confirmé par la suite avec un individu qui est un peu plus complet que l'autre. C'est un individu assez âgé, hein, vers une cinquantaine d'années, si on considère l'espérance de vie des mammouths comme des éléphants à 60 ans. Et puis un autre individu, alors beaucoup moins représenté, un jeune adulte, et lui on sait pas pour le coup qu'il c'est un mâle, voilà, un peu plus robuste. Et il serait peut-être mort, piégé dans un milieu marécageux? Oui, c'est ce qu'on envisage comme hypothèse principalement. On est sur les rives de la Marne, hein, avec des sur une des boucles de la Marne, avec un contexte un peu de pente douce. Et donc on a à l'époque, donc on le resitue un peu à 90 000, 100 000 ans, donc en début de la dernière phase glaciaire, du dernier cycle glaciaire qui est connu l'Europe occidentale, on a ces alluvions qui se déposent tout doucement. Et puis la Marne était beaucoup plus grande qu'elle ne beaucoup plus large qu'elle ne l'est actuellement, hein, avec des débits certainement beaucoup plus importants. Et donc on a cet environnement un peu plat où ce serait peut-être une plaine d'inondation à certains moments de l'année, où peut-être ces mammouths seraient venus s'enliser là-dedans. On a aussi l'hypothèse de corps de mammouths qui sont transportés par le courant et venus s'échouer sur cette ancienne rive de la Marne. Ils auraient même peut-être été exploités par l'homme, visiblement. Oui, on a quelques traces. Alors au niveau de l'industrie lithique, hein, les silex, on n'a pas beaucoup de choses. En tout cas, on en a moins qu'ici à Clichy. On a un sur, peut-être cinq, mais dans des contextes un peu particuliers. Et par contre, c'est ce qui nous intéresse depuis notre étude, hein, sur ces ossements. Ce sont des traces qu'on a retrouvées sur essentiellement des côtes. Un petit peu sur des vertèbres et puis d'autres éléments, mais ces traces sont un peu superficielles, un peu altérées, mais on en a quelques-unes qui sont vraiment bien caractéristiques de traces de découpe. Voilà, donc on essaye de bien les étudier, de bien les analyser pour être sûr et certain que c'est bien une intervention humaine. Ce qui voudrait dire, si c'est vraiment une intervention humaine, c'est que des hommes sont venus, ou des femmes, elles sont venues sur ce site récupérer rapidement, très rapidement en fait, sur la carcasse de mammouth des abats. Merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup Sophie Clément, Grégory Bell. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Marie-Claire Oumabadi et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France. La semaine prochaine, nous traiterons de l'archéologie du vaudou, de la magie blanche et noire.